Chapitre 5e. Démian entra pourtant au séminaire et y passa toute une année scolaire. Il avait emporté dans sa malle quelques livres et son précieux violon, mais les rares lettres qu'il écrivit à ses parents ne parlaient ni des uns ni de l'autre. D'ailleurs, le sort de ces objets intéressait le prêtre et sa femme infiniment moins que celui des chemises et des bas qu'il faudrait remplacer au premier jour. L'année finie, Démian rentra, et tout le monde le trouva très changé. Sa gaieté enfantine ne revenait plus que par accès. Son caractère s'était assombri comme son visage. Il n'avait pu plier son corps à la démarche posée de ses camarades. De brusque et impétueux, il était devenu gauche et maladroit. « Ils ne nous l'ont pas embelli, » dit Madame Roussoff à son mari, quand le jeune homme leur eut fait sa première visite de retour. « C'est l'âge ingrat, » répondit le philosophe. « Il a 17 ans et demi. » Il n'a pas le droit d'être aussi encombrant. Que fera-t-il de ses bras l'année prochaine, si cette année il en est déjà si embarrassé ? Dieu y pourvoira, répondit le médecin sceptique. Et la musique, en avez-vous parlé ensemble ? Il n'a pas fait mine d'entendre. Je crois qu'il y a eu un drame au séminaire. Fais-le lui raconter. Il ne voudra pas, mais Groucha essaiera de le soutirer à Victor. Puissance du machiavélisme, fit Roussoff tranquillement. « Quand tu l'auras appris, tu me le diras. »« Bien entendu. » Hélas, il s'était en effet passé un drame au séminaire. D'abord, les livres de Démian avaient disparu sans retour, parce que toute lecture profane est inutile dans un asile consacré uniquement à l'étude des livres saints. Le jeune homme se fut consolé de ce déboire, si un autre, bien plus grave, n'eût succédé à celui-là. Après avoir pris langue, Démian, se trouvant un jour une heure de liberté, était monté à sa cellule, avait démailloté son précieux violon, et après l'avoir accordé, s'était empressé de s'assurer qu'il n'avait rien perdu de ses qualités ni de ses défauts. Pour se mettre en harmonie avec les murs d'un endroit aussi vénérable, il commença par jouer une hymne d'église. Aussitôt, les têtes curieuses de ses camarades se montrèrent à la porte du corridor. « Qu'est-ce que tu fais ? » demanda le plus hardi. « Je joue du violon, comme tu le vois. » Le père supérieur te l'a permis ? Non, est-ce qu'il faut une permission ? Je ne sais pas. Un père inspecteur arriva sur ces entrefaites, et le même dialogue se répéta mot pour mot. Un peu ahuri, le père inspecteur se dirigea vers le père supérieur, auquel il rapporta ce qu'il venait d'entendre. Celui-ci se plongea dans la méditation et implora les lumières de l'Esprit-Saint. Or, tout le monde sait que l'Esprit-Saint ne refuse jamais ses lumières à ceux qui l'implorent. Et la raison de cette condescendance est facile à comprendre. Chacun, implorant le secours d'en haut dans son fort intérieur, est seul juge relativement au moment choisi par la lumière pour se produire. On applique cela à ses théories et à ses besoins, après quoi l'on remercie la Providence. C'est ainsi que la chose se pratique sous toutes les latitudes et même toutes les longitudes explorées jusqu'à présent, depuis le Pot Rouge qui consulte son Manitou jusqu'au révérend père du séminaire de Z. Quand ce digne personnage eut reçu du ciel le supplément de lumière qu'il avait demandé, ou se figura qu'il l'avait reçu, ce qui est exactement la même chose, il fit mander l'élève Démian. « Avec l'objet qu'il introduit dans notre établissement, » ajouta le brave homme. Démian et l'objet arrivèrent l'un portant l'autre, et le dialogue suivant étonna les murs du séminaire. « Qu'est-ce que c'est que cela ? » demanda le supérieur. « Révérend père, c'est mon violon. »« Qu'est-ce que vous en faites ?»« De la musique. » Le révérend réfléchit un moment. « Faites voir, » dit-il. Démian fit voir, ou plutôt entendre, et joua, car il était rusé, une hymne pieuse, avec toute la lenteur et l'onction désirable. « fit le supérieur en caressant sa barbe. « ce n'est pas vilain. »« Qui est-ce qui vous a donné cela ?»« C'est Monsieur Roussoff, le seigneur de notre village. »« Un noble ?» « Oui, révérend père, un noble. Il sert l'État. »« Non, révérend père, il est médecin. »« Ah, il est médecin et il vous a donné cela. » Démian pensa que le révérend père supérieur cachait ses lumières sous une épaisse couche d'humilité réelle ou d'ignorance affectée, à moins que l'adjectif de l'une ne passât à l'autre et réciproquement. Mais il se tut respectueusement. « C'est avec des violons qu'on fait danser les gens, n'est-ce pas ?» demanda le supérieur. « Oui, mon révérend père, et avec beaucoup d'autres instruments. Fit le dignitaire. Soit. Mais le violon n'est pas un instrument canonique. Il ne se trouve pas mentionné dans les Écritures. Ainsi, la trompette se trouve dans les Écritures. C'est au son des trompettes que tombèrent les murailles de Jéricho. L'harpe est un instrument canonique. Le saint roi David l'eut en affection durant tout le cours de son existence. Mais nulle part on ne fait mention du violon. Demian écoutait, serrant sur son cœur l'instrument non canonique qu'il sentait menacé. « Vous ne toucherez pas cet instrument pendant que vous resterez dans notre sein, » reprit le supérieur, « et même, je vous prie de le remettre dans mes mains. Quand vous retournerez dans votre famille, je vous le rendrai. À présent, il ne pourrait que vous distraire de vos études et de la destinée qui vous attend. » Demian, excité par la grandeur du péril, eut un trait de génie. « Je suis prêt à obéir, mon révérend père, » dit-il, « mais permettez-moi de vous faire voir que tout le bruit de mon violon réside dans les cordes que voilà. » Je vous remettrai les cordes, mais je vous en supplie, permettez-moi de garder le violon. » Tout en parlant, il avait défait les cordes et les avait déposées devant le supérieur. « Pourquoi tenez-vous tant à ce morceau de bois ?» demanda celui-ci en fronçant le sourcil d'un air soupçonneux. Demian rougit, car il allait proférer un demi-mensonge. Mais il fallait sauver son cher trésor. « Excusez-moi, mon révérend père, » dit-il, « quand mon frère était très malade, je lui jouais des hymnes d'église. Il ne pouvait plus assister aux offices, et mon violon lui faisait plaisir. C'était sa seule consolation. » L'excellent homme se laissa toucher par cet argument si simple. « Gardez le bois, dit-il, et donnez-moi les cordes, mais il ne faut plus qu'on vous entende. » « Puisque je laisse les cordes à votre grâce, » dit hypocritement l'heureux Demian. Il reçut la bénédiction de sa grâce et s'enfuit dans sa cellule. La nuit, quand tout le séminaire ronfla, il tira d'une cachette les cordes de Benjamin Roussoff et les ajusta à son violon, puis les fit résonner sous ses draps, la tête enfoncée dans le lit, au risque de se perdre. Il tenait son trésor, mais il ne pouvait pas s'en servir. Ce supplice de Tantale le rendit morose, puis un jour qu'il était seul, il eut l'idée d'exercer les doigts de sa main gauche sans se servir de l'archet. À ce jeu muet, il acquit une grande habileté de doigt, et sa mémoire, n'étant plus guidée par l'oreille, prit un développement extraordinaire. Mais tout lui déplaisait au séminaire. Il y était entré trop tard pour ne pas remarquer les défauts de ce genre d'éducation, et d'ailleurs, grandi en liberté comme un jeune cheval sauvage, la bride et le mort de la règle lui paraissaient intolérables. Le fond de résignation qui accompagne chez les Russes l'indiscipline la plus apparente, et même la plus réelle, fit endurer à Demian des choses qui eussent décidé un Français à sauter sans plus tarder par-dessus les murailles. Mais quand il revint au logis, il rapporta une sorte de résolution bourrue de ne pas supporter plus longtemps ce qui lui déplaisait si fort. Cette résolution n'était pas de celle qu'on annonce à son père un beau soir après dîner. Il fallait des précautions et surtout des alliés. Les précautions, ce n'était pas impossible, malgré l'inexpérience de Demian, mais des alliés, où en trouver ? Le cœur du jeune homme battait bien fort la première fois qu'il effleura ce sujet avec son frère. La soirée était superbe, et la lune se réfléchissait dans l'état de façon à contenter tous les poètes du globe. Les grenouilles, qui ne peuvent pas plus manquer un étang russe que des rives pour l'enserrer, coassaient avec cet ensemble admirable que chacun connaît. Est-ce que les grenouilles en sauraient aussi long, plus long, que les musiciens modernes en fait de composition et de science ? Depuis l'Antiquité la plus reculée, ces batraciens harmonieux groupent leurs solos et leurs chœurs avec une sagesse, une élégance que bien peu d'opéras nous offrent aujourd'hui. N'est-ce pas la mesure pondérée de leurs hymnes nocturnes qui a inspiré aux tragiques grecs les reprises de chœurs et les plaintes rythmées de leurs œuvres magistrales ? Je défie quiconque à écouter par une belle nuit d'été le coassement d'une grenouille isolée, bientôt accompagnée par un ensemble formidable, avec des pianos et des crescendo éloquents, pleins de majesté, de ne pas songer à quelques chefs-d'œuvre de l'art moderne, tels que la bénédiction des poignards, toute proportion gardée d'ailleurs, et révérence parlée. L'âme de Demian était pleine d'angoisses secrètes. L'amitié étrange, presque maladive, que lui portait son frère, lui faisait espérer un concours efficace. Mais d'un autre côté, il sentait en Victor des faiblesses, des frayeurs, dues sans doute à son éducation première, et dont lui s'était affranchi, on ne sait comment, en vivant seul dans les bois presque toujours et le reste du temps avec son violon. « Tu m'aimes ?» dit-il en passant un bras autour du cou de l'infirme pendant qu'ils étaient assis sur un banc au bout du jardin de leur père tout près de la rive herbeuse. « Si je t'aime ! Ah, mon pauvre Demian ! C'est-à-dire que tout l'hiver j'ai à peine vécu. Je ne me souviens de rien depuis que tu es parti pour le séminaire. » Le jeune séminariste pressa affectueusement son frère contre lui. « Tu ne voudrais pas me voir malheureux, n'est-ce pas ?»« Certes, non. Mais pourquoi serais-tu malheureux ?» Demian se recueillit, puis, d'une voix ferme, quoique modérée à dessein, « Victor, dit-il, je ne veux pas être prêtre. » Son frère tressaillit brusquement et fit le signe de la croix. « Toi, tu as perdu l'esprit, Demian. Qu'as-tu dit ?»« Je ne veux pas être, je ne serai pas prêtre. » répéta Demian avec la même fermeté. « Que Dieu nous protège et tous les saints. L'esprit malin t'a tourné la tête. Reviens à toi, mon frère. Pourquoi voudrais-tu résister à la volonté du Seigneur ?»« La volonté du Seigneur n'est pas que je sois prêtre, Victor, car il ne m'aurait pas mis dans le cœur cet amour insensé pour la musique. Ou bien les pères au séminaire ne m'auraient pas défendu de jouer du violon. Si l'on m'avait permis de faire de la musique, j'aurais peut-être été un bon prêtre, pas plus mauvais qu'un autre. Mais on me le défend. Je veux jouer du violon. Oui, je le veux. Ou je deviendrai méchant et je ferai du mal à tout le monde. » « Tais-toi, Demian, tais-toi, si on t'entendait !» fit Victor, terrifié. « Eh bien, qu'on m'entende ! Il faudra bien que je le dise un jour ou l'autre. Jamais je n'embrasserai une carrière où je ne pourrai pas jouer du violon. Et qu'est-ce qu'il y a de mal à aimer la musique ? Est-ce que le cœur n'est pas tout plein de bonnes choses, plein à en pleurer quand on joue quelques beaux morceaux ? C'est vrai. Elle a dit que la musique est comme une prière. » dit Victor à demi-voix. « Qui cela ? Elle a bien dit. Mademoiselle Roussoff, » murmura le jeune homme, honteux d'avoir désigné avec si peu de cérémonie une personne aussi respectable. « Elle est bonne, celle-là. Elle m'aidera, de toutes ses forces, » reprit Demian, sans faire attention à la confusion de son aîné. « Elle comprend qu'on aime mieux la musique que tout au monde, et sa mère et son père, ils m'aideront. » Victor secoua la tête d'un air de doute. « Qu'est-ce que tu veux faire alors ? » demanda-t-il avec son sens pratique. « Je veux jouer du violon. Et puis, c'est tout. Est-ce que cela ne suffit pas ?»« Mais ce n'est pas une carrière, » fit observer Victor. « On joue du violon pour son plaisir, comme les Roussoff jouent du piano. Mais le reste du temps, que feras-tu »« Tu ne me comprends pas, » fit Demian avec impatience. « Je veux être violoniste. Je donnerai des concerts. On payera pour m'entendre et je gagnerai beaucoup d'argent. » « On gagne de l'argent ?» demanda Victor, qui n'était pas convaincu. « Prodigieusement. » Le silence se fit. Les grenouilles elles-mêmes avaient momentanément cessé leur concert. Nos amis réfléchirent chacun de leur côté pendant cette accalmie. « Le père ne voudra pas, » dit Victor, terminant ainsi sa méditation. Demian ne fit pas d'objection. « Évidemment, » le père Kouzma ne consentirait pas à voir son fils consacrer tout son temps à la musique. Ce qui était étonnant, c'est qu'il l'eût permis jusque-là. Mais son excuse, c'est qu'il considérait le violon à peu près comme un tour ou un établi de menuisier, un de ces jouets utiles qu'on donne aux enfants pour leurs étrennes. Le bruit du violon ne l'avait pas dérangé plus que ne le fait une scie ou un rabot, et certainement beaucoup moins que celui d'un marteau sur des clous dans du bois sonore. « Encore, » reprit l'aîné, « si tu voulais entrer dans une administration au service de l'État, on y fait son chemin. Le père y consentirait peut-être. »« Non, » dit énergiquement Demian, « je ne veux pas entrer dans une administration. »« Mais pour commencer, » insinua Victor, « pour commencer quoi ?»« Pour ne pas rentrer au séminaire, » suggéra timidement ce jeune Machiavel. Cette idée était assez judicieuse, mais comment la mettre à exécution ?« Il faudrait d'abord avoir une place, » fit Demian, en haussant les épaules. « Demande à Monsieur Roussoff. » « Oui, je puis lui demander cela. Mais encore, le père consentira-t-il » « Peut-être, » fit Victor, feignant un espoir qu'il n'avait pas. « Et puis, s'il refuse, tant pis. Tu rentreras au séminaire ? Je prendrai la clé des champs. » Victor frémit d'horreur, et malgré son courage, notre conspirateur regarda autour de lui. mais ils étaient bien seuls, seuls avec les grenouilles qui entonnaient un hymne triomphal en l'honneur de cette résolution hardie.